Sembala loucura, sembala, sembala loucura, sembala. A gauche, à droite, à gauche, à droite. Chama, cuida, chama. Chérie Nangayo, chérie Nangayo.